Sing it! Do it! Je veux dire merci aux miens pour le kiff, le soutien. À ceux qui me disent lâche pas, t'es un vrai car tu tiens. À ceux qui attendent l'album, à mes sauces du bitume. Au rap, au rappeur, à l'encre de ma plume. Pour les darons, la famille, un merci c'est passé. Une chanson c'est passé, dans le cœur vous êtes placé. Quoi qu'il se passe, je vous jure, j'oublierai jamais personne. Je rêverai dans mon rap jusqu'à ce que mon heure sonne. Je vous jure fidélité, ma force est aussi la vôtre. Si demain ça paye, cette réussite sera la nôtre. Beaucoup m'ont lâché la main, je me fous de savoir qui a tort. Mais je suis toujours debout, inconsciemment ça rend fort. Merci Haute Source, Alpha Mi, je me dis que c'est bientôt notre heure. À ceux qui m'ont soutenu au cours de toutes ces erreurs. À ma deuxième famille, avec qui je ne fais qu'un. C'est mon hommage et mon message d'amour pour chacun. Je remercie avec la tête et puis la voix. Je remercie comme les oiseaux du matin. Merci. Je dis merci du fond du cœur à chaque fois. À la chance qui t'a mis sur mon chemin. Merci. À la femme, à la famille, à ma petite fille. Y'a tout ce qu'il y a de beau chez l'être humain. Merci. Y'a que l'amour qui nous réunisse. Y'a pas que la mort qui nous réunisse, non. Merci à ceux qui m'ont dit que je valais pas un centime. Que j'étais bon qu'à glander, que j'allais pas m'en sortir. Merci à ceux qui m'ont vu tomber, ont trop pris pour le dernier des derniers. Ces mots amers vous sont dédiés. Car depuis, j'ai su ravaler ma haine, envoyer chier la paresse et faire le tri dans mon carnet d'adresse. Merci à celle qui m'a porté pendant 9 mois. À Sandra, mon petit soleil sorti du 9-3. Merci à ceux qui ont su me redonner la pêche quand ça allait pas, quand sur mon dos ça gazait et ça parlait mal. Merci à tous ceux qui m'ont poussé dans le sombre. Âge adressé à tous ceux qui m'ont jamais kiffé dans le fond. Diplomatie oblige envers mes détracteurs. Ma rancœur traduite en 1001 merci appris par cœur. Merci Bobo pour ton sang-froid quand c'était chaud à la Zonkai. Toujours su garder ton flegme et ton merci, calme. Merci. Avec la tête et puis la voix, je remercie comme les oiseaux du matin. Merci. Je dis merci du fond du cœur à chaque fois. À la chance qui t'a mis sur mon chemin. Merci. À la femme, à la famille, à ma petite fille. À tout ce qu'il y a de beau chez l'être humain. Merci. Y'a que l'amour qui nous réunisse. Y'a pas que la mort qui nous réunisse, non. Merci encore à ceux qui ont mis du vent dans mes voiles. Un peu de lumière dans mon ciel sans étoiles. De la fiction comme des balles sur mes chemins hasardeux. De l'attention et la somme des deux canalises. Même un gamin hargneux est proche dans mon cœur. Plus fort que le gros c'est le clan. Un des calculs des sourires trompeurs entend. Les valeurs qui nous liront cette vie plus supportable. Et celui qui l'oublie qui est déjà notre table. Louis Gottesus, Dixie Tonix. De l'intelligence pour gérer les tensions quand le temps n'est pas au bon fixe. Merci de garder le mort. La foi quand rien ne se profile à l'horizon. Alpha Mi, c'est dès le bord dans tout ce que nous réalisons. Après tout rien à battre, tant qu'on atteint notre but. Qu'on fout le son sur Adat et qu'on exécute. Qu'on continue à 4 pour le sens de nos luttes. Les potes tirent pas dans les pattes, faut laisser ça au but. Je remercie avec la tête et puis la voix. Je remercie comme les oiseaux du matin. Merci. Je dis merci du fond du cœur à chaque fois. À la chance qui t'a mis sur mon chemin. Merci. À la femme, à la famille, à ma petite fille. À tout ce qu'il y a de beau chez l'être humain. Merci. Y'a que l'amour qui nous réussisse. Y'a pas que la mort qui nous réunisse, non. Apparemment c'est le temps des étrêts. Je me fous des chances tant que j'ai les miennes. Je brandis ma sentence et dégaine tout ce qu'on pense. Et balance est tel quel, l'assemblée se mêle telle. De nos dents en France, je remercie mon ascendance à des sens. Grâce à l'Europe, son pense entendre les violences et les peines. Ceux qui nous poussent à fumer le mic au radio sans s'asseoir. Ne déplaise le petit calme, mon design est tous tentatoires. L'appel du mic et tous ces mâles sans pouvoir. Et mat, les mecs ont tenté pas qu'à plein pour voir, à me savoir. Je comble, lève, crève, ceux qui ternent rêvent. Et mes mecs chantent dès que j'excelle. Même quand je check pêle-mêle, c'est dans la même scène. On est clan des extrêmes, on chante en vieille d'elle. Changer l'entraîne, forme des pets, vain, chante des thèmes sans que les haines traînent. Et ouais, si merde. À ceux qui déjà ponctuent des albums, lâche des instrus pour pompe aussi assomme la tonne. Trop stock, le flow de mes potes choque chaque bloc. Pour qu'on rende Big L, Biggie, Big Pun et Scott La Rock.